Chapitre 20. Assaut de l'île. La trêve fut longue. Les orientaux avaient reculé leurs brasiers à l'abri des broussailles. Les chiens étaient invisibles, mais leurs hurlements sonnaient comme des foudres au sous-bois. Les mangeurs de vers, accroupis, se rendormaient, à part quelques résistants vieillards. Vaméré fortifiait la retraite d'Elem à l'aide de grosses branches et préparait ses armes. La fumée des brasiers flottait sur l'eau, parmi la pourpre des incendies. Nulle parole de paix ne s'entendit plus. Il fallut que des deux parts, on se préparât à la lutte prochaine. Tout en travaillant, Vamiré veillait. Une fois, il crut apercevoir la silhouette d'un oriental qui, à quelque distance de l'eau, se dressait et disparaissait dans les fourrés. Une fois aussi, une bande de chiens vint boire. Mais rien n'annonçait une attaque. Il espéra que le chef oriental attendrait jusqu'au matin et reprendrait les négociations. Il venait de déposer auprès de lui sa 12e flèche enduite de poison, lorsqu'un mouvement rapide se produisit et qu'il vit grouiller la masse noire de nombreux corps sur la rive. « Hé oh ! Hé oh ! » cria-t-il, tandis que les veilleurs tardigrades tiraient leurs compagnons du sommeil. Là-bas, impétueux, les chiens plongèrent, et on les vit venir par milliers, leurs yeux de phosphore dans des têtes humides et luisantes, leur immersion soulevant le niveau de l'eau aux côtes de l'île. Silencieux et terribles, ils nageaient avec intrépidité sous la grêle de pierres, d'os, de bûches qui les accueillaient. Vamiré, assuré qu'aucun homme ne se trouvait parmi eux, lâcha son arc et prit sa massue. Elem, armée d'une lance, pouvait défendre son abri. Les tardigrades, encouragés par le psan, montraient une très ferme attitude, campés par petits groupes, dos au centre, avec la place libre pour le jeu de leurs gourdins. Avant qu'ils pussent atterrir, les chiens furent assommés si vigoureusement qu'ils reculèrent hors de portée. Mais bientôt on les vit se séparer en deux fortes colonnes, dont l'une rama vers le point de l'île mal fortifiée que Vamiré défendait seul, tandis que l'autre reprenait l'offensive directe. L'empressement des tardigrades à couvrir leurs sauveurs faillit rendre cette tactique efficace. Mais Vamiré repoussa l'aide avec énergie, obligea chacun à réintégrer son poste. À peine la colonne dirigée contre lui atteignait-elle la rive, que déjà le massacre du psan y semait la terreur. Sa haute taille, sa massue gigantesque, sa formidable manière de broyer les crânes, la rapidité de ses mouvements, sa voix autoritaire sonnant la plus haute humanité, cela parut faire sur les bêtes une impression quasi superstitieuse. Prises de panique, hurlantes, en désordre, elles se laissèrent dériver. Cependant, la deuxième colonne avait réussi l'invasion sans parvenir pourtant à déconcerter la tactique des mangeurs de vers, toujours réunis en groupe et se défendant sans faiblir. Les pertes du côté des chiens étaient considérables et les tardigrades avaient une vingtaine des leurs mis hors de combat. Au total, la bête se sentait vaincue lorsque des flèches empoisonnées, partis de l'autre rive, firent deux victimes. Cela jeta quelques frayeurs et amena les groupes de la côte à se rapprocher du centre. Les chiens redoublèrent d'ardeur et dans la minute, le nombre des blessés humains s'accrut terriblement. Cependant, Vamiré, après sa victoire, avait perçu la présence d'Asiatiques lançant leurs flèches presque à découvert derrière les arbustes. À son tour, l'arc tendu, il dépêcha quelques flèches. Les orientaux durent se retirer derrière les grands troncs, d'où leurs tirs devenaient aléatoires. Ils se contentèrent de crier des encouragements à leurs alliés quadrupèdes, qui, répondant par des abois formidables, assaillirent plus vivement leurs ennemis. La situation tournait mal, d'autant que la colonne chassée par Vamiré avait pris pied à l'autre extrémité de l'île et amenait son renfort. Le pauvre homme tardigrade se vit perdu. Son cri de guerre devint lamentable, comme une plainte d'agonie. mais le grand nomade d'Occident déjà portait le secours de son bras. Sa massue se frayait un large sillon parmi les mufles et les échines brisées. Et de toutes parts, la bête s'effarait, inquiète, reconnaissant dans cette voix et dans cette force la voix et la force des races victorieuses. Si bien que les tardigrades reprenaient l'avantage et que les chiens rejetés à l'eau regagnaient le camp des Asiatiques. L'ivresse de la victoire attisait l'œil des mangeurs de verre. Tournés vers l'homme blond, ils chantèrent la mélopée du triomphe, et Vamiré répondit par de farouches clameurs. Sur l'autre bord, à l'orée des forêts centenaires, l'aboi furieux des chiens et les malédictions des hommes d'Orient répliquèrent. La nuit fut pleine de ce tumulte. Les échos en épandirent la terreur. Les deux troupes ennemies y chantaient leur courage invaincu et l'annonce de nouveaux combats. Les tardigrades pansèrent hâtivement les blessés et les mirent, pour plus de sûreté, proche l'endroit où Vamiré campait avec Hélène. Ils débarrassèrent l'île des chiens mis hors de combat, dont les uns purent, en dérivant, atteindre l'autre bord, tandis que les autres achevaient de mourir. Vamiré avait rejoint sa compagne. Encore pénétrée du dégoût des mangeurs de verre, elle était restée dans son abri sans avoir eu besoin de se défendre. À présent, Vamiré disait la victoire, le nombre des victimes, la férocité des assaillants, les nouvelles luttes probables. Elle l'écoutait, rêveuse et triste de l'aventure, souhaitant la paix prochaine. Elle dit son espoir de négociation à l'aube, et le nomade l'approuva. Mais il se refusait à toute cession concernant les tardigrades. Là, sans fin, Hélène s'endormit. Les trois quarts des mangeurs de verre dormaient également. Vamiré continua de veiller.